Le premier jour de Noël, mon amour m'a offert une perdrix dans un poirier. Le deuxième jour de Noël, mon amour m'a offert deux tourterelles et une perdrix dans un poirier. Le troisième jour de Noël, mon amour m'a offert trois poulettes, deux tourterelles et une perdrix dans un poirier. Le quatrième jour de Noël, mon amour m'a offert quatre jacassins, trois poulettes, deux tourterelles et une perdrix dans un poirier. Le cinquième jour de Noël, mon amour m'a offert cinq anneaux d'or, quatre jacassins, trois poulettes, deux tourterelles et une perdrix dans un poirier. Le sixième jour de Noël, mon amour m'a offert six oies qui pondaient, cinq anneaux d'or, jacasseurs, trois poulettes, deux tourterelles et une perdrix dans un poirier. Le septième jour de Noël, mon amour m'a offert sept cygnes qui nageaient, six oies qui pondaient, cinq anneaux d'or, quatre jacasseurs, trois poulettes, deux tourterelles et une perdrix dans un poirier. Le huitième jour de Noël, mon amour m'a offert huit bonnes qui trayaient, sept cygnes qui nageaient, six oies qui pondaient, cinq anneaux d'or, quatre jacasseurs, trois poulettes, deux tourterelles dans un poirier. Le neuvième jour de Noël, mon amour m'a offert neuf dames qui dansaient, huit bonnes qui trayaient, sept cygnes qui nageaient, six oies qui pondaient, cinq anneaux d'or, quatre jacasseurs, trois poulettes, deux tourterelles et une perdrix dans un poirier. Le dixième jour de Noël, mon amour m'a offert dix lors qui sautaient, neuf dames qui dansaient, huit bonnes qui trayaient, sept cygnes qui nageaient, six oies qui pondaient, cinq anneaux d'or, quatre jacasseurs, trois poulettes, deux tourterelles et une perdrix dans un poirier. Le onzième jour de Noël, mon amour m'a offert onze fifres qui jouaient, dix lors qui sautaient, neuf dames qui dansaient, huit bonnes qui trayaient, sept cygnes qui nageaient, six oies qui pondaient, cinq anneaux d'or, quatre jacasseurs, trois poulettes, deux tourterelles et une perdrix dans un poirier. Le douzième jour de Noël, mon amour m'a offert douze violons qui giguaient, onze fifres qui jouaient, dix lors qui sautaient, neuf dames qui dansaient, huit bonnes qui trayaient, sept cygnes qui nageaient, six oies qui pondaient, cinq anneaux d'or, quatre jacasseurs, trois